musique actuelle dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, l'émission de Paul Sarrez, Le Progrès et la Vie. Rendez-vous à 5. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Virginie Mourtet. Aujourd'hui, 1961, quatrième émission. 1961, comme c'est loin et différent. Pensez, en 1961, on se préoccupe des jeunes gens et des personnes âgées. On se préoccupe des problèmes de logement et d'insécurité en ville. On se préoccupe du travail à inventer pour occuper les Français. Commençons par la jeunesse. La jeunesse effraie les personnes âgées. Mais ils ne sont pas tous rassurés, les jeunes. Les blousons noirs rôdent et menacent. Ainsi, à Nice. Au micro, Jacqueline Marielle. Vous le savez, la grande presse a fait état de certains événements qui se sont déroulés à Nice et qui ont pris assez rapidement le ton du règlement de compte. Règlement de compte entre les lycéens et les étudiants et ce que l'on désigne maintenant d'une façon générale sous le nom de blouson noir. Je me suis rendue à la sortie du lycée Masséna à Nice, l'un des plus importants établissements scolaires de garçons, et j'ai autour de moi un groupe de jeunes gens qui sont venus attendre l'heure fatidique c'est-à-dire 18h, heure à laquelle peut-être il pourrait se passer quelque chose. Messieurs, je ne vais pas vous demander vos noms, je n'ai pas le temps, je fais une enquête éclair. Je voudrais simplement que l'un d'entre vous, ou à deux ou trois, vous me disiez très rapidement quels sont les mobiles, quelles sont les raisons profondes de cette sorte de malentendu violent qui s'est produit entre vous et d'autres jeunes. Eh bien voilà, le clan blouson noir, si on peut appeler ainsi, a monopolisé la foire. Et lorsque nous nous promenons un dimanche, le soir ou même la journée, nous sommes assaillis par ces gens-là qui, sous prétexte de nous demander de l'argent ou autre chose, tombent à plusieurs sur un seul garçon qui est relativement abîmé. Est-ce que vous êtes d'accord? Et pour quelles raisons vous demanderait-on de l'argent? Voilà, c'est plutôt un prétexte, je crois, c'est plutôt histoire de casser la gueule aux gars, quoi, comme on dit. Pourquoi? Vous avez l'impression qu'ils vous croient plus riches qu'eux? Pour avoir de l'argent, surtout. Pour avoir de l'argent, parce que j'estime que la plupart sont d'entendus les voleurs. Et ensuite, pour pouvoir se montrer plus fort, si jamais on ne leur répond pas, pour tomber à une dizaine dessus, ouais. Pour se montrer plus fort uniquement. Vous avez eu, il y a quelques jours, une bagarre à laquelle je faisais allusion. Il y a eu des blessés. Oui. Est-ce que vous, en général, portez de ces armes modernes que l'on appelle des ceinturons à clous, des chaînes de bicyclette? Est-ce que vous vous promenez armé d'une façon quelle qu'elle soit? Non, nous ne nous promenons pas armés d'une façon d'armes offensives, plutôt d'armes défensives, quelques-uns, des matraques. Pour en avoir. Enfin, quelques matraques. Pas en général. Mais maintenant, oui, il y a tous les gars du lycée, chacun sort de son cartable une matraque, un morceau de bois, quelque chose comme ça. Quoi. N'importe quoi pour se défendre, parce que les hommes viennent avec des chaînes de bicyclette, des lames. À l'origine, nous étions les mains nues, évidemment, chaque fois, on prenait quelque chose. Vous avez un pansement sur le front, monsieur, pourquoi? Évidemment, parce que je me suis trouvé dans la bagarre avant-hier soir, et j'ai pris sans doute un coup de chaîne. Vous n'avez pas réalisé tout de suite ce que c'était? Ah non, absolument pas, j'ai songé seulement à alpaguer mon adversaire, c'est tout. Et vous l'avez eu? Oui, en partie, quoi. Bien. Est-ce que vous avez l'impression que ce malentendu va se prolonger entre vous et ces autres jeunes? C'est tout de même assez triste. Je pense que les blousons noirs vont se souvenir de ça. Mais je pense aussi qu'ils vont peut-être garder une certaine rancune. Et ils peuvent s'attaquer maintenant à tous les lycéens qui rencontreront seuls, ou bien ils se souviendront. Enfin, je ne sais pas exactement. Dans l'ensemble, vous souhaitez la paix ou pas? Oh, la paix. En général, la paix. On n'a jamais cherché la guerre. Hein. Écoutez, nous espérons que la démonstration de force que l'on a fait nous aura convaincus. S'ils ne les ont pas convaincus et qu'ils reviennent chercher bagarre aux étudiants, les étudiants, naturellement, ne se laisseront pas faire, mais ils ne chercheront jamais la bataille les premiers. Ils attendent toujours les coups. Voyez-vous, ça fait déjà 10 jours que nous sommes harcelés. Et cette fois-ci, nous avons décidé de réagir à la bataille. Nous avons déclenché une bataille de nous-mêmes. C'est-à-dire, nous les avons entendus, ils sont venus, nous avons déclenché la bataille. Maintenant, nous espérons que ça leur suffit. Et si ça ne leur suffit pas et qu'ils reviennent encore attaquer des étudiants... Puisque le champ de foire a l'air d'être le terrain d'élection de ces règlements de compte auxquels nous faisions allusion tout à l'heure, je suis allée voir un stand de forains. Et la personne qui tient ce stand est une jeune femme qui veut bien me dire ce qu'elle pense précisément du préjudice causé à la foire et aux forains dans leur ensemble par ces rencontres brutales. Nous vivons à une époque où maintenant les jeunes sont trop livrés à eux-mêmes et les conséquences, c'est nous, forains, qui emportons les conséquences. Mon Dieu, on est en train de me regarder et j'ai peur que... Enfin, les affaires marchent, oui. Les affaires marchent très mal, malheureusement. Nous aidons quand même les clients. Oui. Nous aidons... Involontairement. Oui, involontairement, on les aide. Non, mais par exemple, lorsque vous avez affaire à des personnes qui viennent et vous sentez qu'elles aimeraient gagner une certaine chose et pas une autre. On les aide quand même un petit peu, on leur fait des faveurs. Oui, on leur fait des faveurs, tout dépend de ce que... L'importance de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils nous laissent comme argent, parce qu'on ne peut pas donner, admettons, une personne qui chez nous, c'est le vin, c'est ce qui parle le plus. Bon, si un jeune vient et nous dit, nous venons gagner la bouteille avec 100 francs, ben, automatiquement, nous ne sommes pas d'accord, parce qu'elle nous revient à nous-mêmes à 200 francs, alors... Mais que fait la police ? À Paris en tout cas, et en banlieue parisienne, la police patrouille, elle traque le malfaiteur, de jour comme de nuit, et la nuit est toujours plus radiophonique. Témoin ce reportage, signé Daniel Pouget, diffusé le 20 janvier 1961 dans Édition spéciale. Édition spéciale, une émission de reportage et de documents du journal Parlé. Une nuit en compagnie de la police parisienne. Une enquête de Daniel Pouget. La nuit, lorsque les citadins dorment, des hommes veillent sur leur sommeil. À Paris, ces hommes sont ceux de la préfecture de police. Hier soir, nous sommes allés, avec eux, chasser le malfaiteur dans les rues de la capitale. Avec les motocyclistes, puis à bord des voitures patrouilles de la police judiciaire et celles qui effectuent des rondes battues, voici ce que nous avons vécu. Citadins, ils veillent pour vous, ils veillent sur vous. Montrouge, 3 km, Villejuif, 2 km. Nous sommes en plein centre de Arcueil. Nous roulons actuellement tout doucement. Nos deux motards surveillent, ouvrent le regard à droite, à gauche. On est devant une voiture vedette, montée par vraisemblablement des gitans, que nous nous arrêtons, que nous nous sommes arrêtés. Pourquoi nous sommes-nous arrêtés là exactement ? Eh bien, tout d'abord, parce que, évidemment, de nombreuses têtes derrière une voiture peuvent toujours inciter à un contrôle. Et ce sont justement de jeunes qui ont des papiers d'identité, mais comme vous pouvez l'entendre, certains n'ont pas leurs papiers sur eux parce qu'ils ont peur de les perdre. Alors, évidemment, la preuve a été faite malgré tout avec les éléments qu'ils nous ont présentés, qu'ils étaient quand même en règle. Si vous aviez voulu être sévère et appliquer le règlement à la lettre, ces gens-là méritaient d'être ramenés au poste. Oui, nous pouvions toujours, conformément aux lois, les conduire au poste et faire des vérifications plus poussées si nous avions eu un doute. Oui, voulez-vous me passer une physionomie de... Nous sommes revenus rue Chanoines. Nous avons fait ce soir, je crois, si le chiffre est bon, 11 interpellations. Sur ces 11 interpellations, 8 ont été fructueuses ou semi-fructueuses. Je voudrais vous poser une dernière question. Il y a longtemps que vous faites ce métier ? Il y a exactement 16 ans. Et j'ai vraiment l'impression que vous l'aimez, votre métier. Nous l'aimons et nous vivons avec, car évidemment c'est un peu un sacerdoce, si l'on peut dire. Je peux dire que l'effectif qui est aux compagnies motocyclistes, qu'il soit patrouille légère ou motard, le vrai motard, nous l'aimons tous d'ailleurs, puisque nous dirigeons aussitôt qu'on pouvons vers ces postes-là. Et nous aimons notre métier, quoi qu'il arrive, et les intempéries également. Et tous les ennuis que ça comporte. Ce sont les risques du métier. Grandeur et servitude de la police. Grandeur peut-être, parfois, rarement. Servitude quotidiennement, chaque minute, chaque seconde. Après avoir quitté les patrouilles de nuit rue Chanoines, nous avons été reprendre les autres patrouilles, les autres brigades, celles de la police judiciaire qui patrouille de nuit, les en civil, la police judiciaire en un mot. Au 36 quai des Orfèvres, chaque nuit, des hommes veillent, suivent les événements de Paris. Nous venons juste de quitter ce fameux quai des Orfèvres qui a fait couler tant d'encre nous nous trouvons dans une voiture, dans une de ces voitures patrouilles de la police judiciaire. Monsieur le commissaire principal, quelle est l'action, quel est le travail des voitures de patrouille de la police judiciaire ? Eh bien, en tant que voiture de patrouille, les voitures de radio de la PJ sont chargées de sillonner les voies de la capitale et de rechercher, le cas échéant, si des agressions ou des délits ne s'y commettent, pour intervenir le plus efficacement possible. Nous sommes actuellement sur les quais, nous nous dirigeons vers les Champs-Élysées. Quelle serait votre, par exemple, votre attitude si, dans quelques instants, vous annoncez un crime par radio ? Nous irions immédiatement sur place, c'est-à-dire si l'état-major nous affecte cette affaire, car plusieurs voitures patrouillent et chaque voiture va recevoir de l'état-major une destination spécifique ou spéciale. Mais en quelque sorte, vous venez renforcer les effectifs qui se trouvent sur les lieux au moment où l'affaire est prise en main par la police. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas exactement cela. Quand une affaire est prise en main par la police, par exemple par la police municipale, par la police en tenue, nous intervenons après pour porter l'affaire devant les tribunaux et lui donner le maximum, si vous voulez, amener un dossier complet devant les tribunaux. Mais en quelque sorte, quand vous la prenez surtout cette affaire pour lui redonner, la sortir de son caractère police municipale, constatation sur la voie publique, et lui donner un caractère judiciaire immédiatement, c'est cela ? C'est absolument cela. Il y a quelques instants, nous avons fait la chasse au roulottier. Qu'est-ce que c'est qu'un roulottier ? Primitivement, le roulottier était un voleur qui dérobait des objets dans les camions en station. Mais actuellement, le roulottier travaille dans les voitures particulières en station. On nous signale un cambriolage dans un magasin 50 rue de l'Aqueduc, dans le 10e arrondissement. Trois arrestations ont été opérées. Je vous demande de vous rendre sur les lieux. Terminé. Nous partons maintenant évidemment immédiatement sur les lieux. Nous allons essayer de pouvoir reconstituer l'affaire et c'est là où la police judiciaire va rentrer en jeu. C'est là où les premières constatations vont être faites afin que demain matin, les trois malfaiteurs soient pris en charge par le commissaire de l'arrondissement ou par la délégation ou par le service judiciaire qui s'en occupera. Mais la moitié du travail, même peut-être presque les trois quarts du travail, seront déjà faits. Et voilà. Nous sommes maintenant devant le commissariat de Saint-Vincent-de-Paul. Nous repartons. Nos trois clients sont au violon. 18 ans, 19 ans, 20 ans. Tous les trois sortis de prison. Tous les trois récidivistes. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, monsieur le commissaire ? Eh bien, ces trois jeunes gens reconnaissent d'ailleurs qu'ils se sont introduits dans les lieux d'une usine en fracturant un carreau qu'il se trouve à 2 mètres du sol environ. Ils ont été surpris par une patrouille de gardiens de la paix qui avait eu son attention attirée par le fait qu'une lumière vacillait à l'intérieur. Il ne semble pas que ce soit des malfaiteurs professionnels. Toutefois, ce sont quand même des jeunes gens qui sont déjà marqués par un destin criminel, puisque ils en sont tous, ils n'en sont plus à leur première affaire. Personnellement, j'ai déjà eu affaire à l'un d'eux dans une affaire il y a un an. Et j'ai eu l'impression, au cours du bref interrogatoire que vous leur avez fait subir, j'ai eu l'impression que vraiment, ils ont l'air d'être habitués à ce genre d'interrogatoire. Rien n'a l'air de les effrayer. C'est bien votre avis aussi ? Eh bien, oui, il semble que le séjour en prison, si bref soit-il, qu'ils ont déjà effectué, les ait marqués et qu'ils soient fermés déjà à toute attitude. Ils sont déjà entrés dans le milieu, c'est déplorable, c'est triste, mais c'est navrant. Et voilà, il est 2h15, nous avons fini notre tournée à Montparnasse, notre chasse maintenant aux voleurs, aux poivriers. Monsieur le commissaire, qu'est-ce que c'est que le vol au poivrier ? Il s'agit du vol sur les personnes ivres, les personnes qui se sont attardées dans un café. C'est plutôt le vol au poivreau. Oui, d'ailleurs, il y a une déformation étymologique. À l'origine, le vol au poivrier, c'était le vol qu'il se pratiquait en jetant du poivre dans les yeux de la personne qu'on voulait agresser. Je vous dis par déformation étymologique qu'on est arrivé à appeler vol au poivrier le vol sur la personne ivre. Alors comment ça se passe? On attend l'ivrogne, on attend le bon ivrogne, l'instant où il va sortir du café où il consommait. On le suit, on l'agresse, on l'étouffe à moitié et on lui vole son portefeuille. C'est un peu ça. C'est un peu ça, ou parfois c'est beaucoup plus simple. Il suffit simplement pour ces gens qui sont un peu partis dans les buées de l'ivresse, ils se lient facilement de relations avec des inconnus dans un café. On bavarde et des fois une main s'égare dans la poche de l'autre. Notamment, d'autant plus qu'au cours du règlement des consommations, on a le temps de repérer facilement l'endroit où l'intéressé place son portefeuille. Il s'agit de gens qui traînent la nuit et qui sont à l'affût de toutes les occasions possibles pour vivre, parce qu'ils préfèrent vivre comme cela plutôt que de travailler. Terminons maintenant notre promenade nocturne dans une traction avant, celle de la 3e brigade territoriale. Nous partons exactement, monsieur le commissaire principal, pour effectuer quelle vérification, quel est notre travail ce soir ? Eh bien, nous allons aller dans différents établissements pour vérifier des identités de clients. C'est ce qu'on appelle la ronde battue. Exactement. Et plus spécialement, rechercher les individus connus de nos services et qui peuvent faire l'objet de mandats d'arrêt, de mandats ou de diverses pièces de justice. Et comment s'effectue une ronde battue ? Eh bien, nous procédons à un contrôle très courtois des papiers des différents clients. Mais les hommes qui sont avec moi ont l'habitude de ce travail et ont en mémoire les traits, les physionomies des principales personnes qui peuvent nous intéresser. Et nous venons dans le café où nous sommes intervenus d'interpeller deux femmes dont une est très connue de nos services. Et elle est connue pour quoi ? Elle est connue pour différents vols commis d'une façon assez particulière et nous pensons qu'il pourrait y avoir à son encontre une pièce de justice. C'est pourquoi nous l'emmenons pour vérification. Mais j'ai l'impression que ces rondes battues sont assez rentables, sont même très rentables. Elles sont souvent très efficaces car à l'heure où nous sommes, il n'y a pas, si je puis dire, de bons citoyens qui se promènent dans les cafés que nous sommes en train de fréquenter. C'était une enquête de Daniel Pouget. Tous les jeunes gens, en 1961, ne sont pas des malfaiteurs, des blousons noirs, loin de là. Et les personnes âgées? Alors, cela dit, on parle parfois de personnes âgées et parfois, plus crûment, des vieux. La prolongation de la durée de vie est un souci. Par chance, on a créé une commission ad hoc pour remédier à ces problèmes. Clara Candiani est productrice de l'émission « Les Français donnent aux Français ». Bonjour, bonjour à tous et à chacun. De plus en plus, la vieillesse nous préoccupe. Cette série que j'ai commencée, je l'ai commencée sur un plan extrêmement technique. Et aujourd'hui, c'est sur un plan technique, mais peut-être plus, comment dirais-je, plus vivant, que nous allons la traiter. C'est avec le docteur Huet, président de la Société de Gérontologie, que nous allons bavarder. D'abord, docteur, la vieillesse, est-ce que ce n'est pas une conception un peu excessive? Car enfin, il y a des jeunes vieux et des vieux jeunes. Certes, vous savez bien que l'âge chronologique ne correspond pas du tout à l'âge physiologique. D'ailleurs, Honoré de Balzac l'avait déjà dit, il n'y a rien de plus bête qu'un acte d'état civil. Mais enfin, la question n'est pas surtout là, il y a des jeunes gens de 70 ans et des vieillards de 30 ans. Je pourrais vous citer une anecdote, j'ai vu ces jours-ci une jeune femme de 78 ans qui... De 78 ans, mais oui, parfaitement, qui chaque matin fait une heure de bicyclette, puis une heure de natation, et elle plonge. Et dans la journée, arrive à présider 7 ou 8 ou 10 conseils d'administration, car c'est une femme d'affaires extrêmement importante. Et elle les préside effectivement. Elle les préside effectivement, et avec autorité, ses avis sont écoutés et suivis. Donc, docteur, ce que l'on pourrait dire, c'est que la jeunesse dépend non seulement des artères, mais aussi de la façon dont on la considère. Et il s'agit de savoir si dans l'état actuel et dans notre état en France, on considère les vieux comme ils doivent être considérés. Mais non, hélas. on ne les considère pas du tout et il est évident que de plus en plus ils constituent, pour l'État, pour la collectivité et pour les personnes, une charge tellement lourde que la frange médiane adulte tend à s'en débarrasser comme d'un fardeau trop lourd. Et vous comprenez, il y a en France 100 personnes productives pour 246 personnes âgées de plus de 65 ans, improductives. Ajoutez à cela les improductifs jeunes, les enfants qu'il faut supporter, et vous voyez un adulte supporter la charge de 4 personnes, c'est intolérable. Sans compter que la prolongation de la vie crée, elle aussi, un problème. Mais bien sûr, car ça n'est pas le tout que de prolonger la vie. Il faut la prolonger dans des façons de façon agréable, car si c'est pour prolonger la vie de grabataires dans les hôpitaux ou de gens tellement malheureux socialement, ça n'est pas un bienfait pour la société ni pour les hommes. Docteur Huet, en tant que médecin et en tant qu'homme politique, avez-vous des propositions à faire ? Eh bien, je crois que les gouvernements successifs et de plus en plus, le gouvernement actuel se préoccupe de ces questions de soulager la vieillesse ou tout au moins les personnes âgées. C'est ainsi que le Comité national d'études du vieillissement a retrouvé une nouvelle vigueur récemment, et il y a la commission d'études des problèmes du vieillissement qui est animée par M. Larocque, qui doit fournir à la fin d'année un rapport sur les conditions les plus aptes à soulager les vieillards. Et puis c'est dans l'esprit actuellement, constamment, on nous demande des articles, on nous demande des avis, et tout le monde se préoccupe de ce problème qui est un problème non seulement humain, mais un problème politique parce qu'il est économique et social. Économique et social, et je voudrais que tout le monde se souvienne en entendant le docteur Huet, qui est un optimiste et qui est un savant et qui est un scientifique et qui est aussi un sociologue, que, bien sûr, être vieux, ce n'est rien, mais c'est très grave quand on a 300 francs par jour seulement pour vivre et que le minimum vital, eh bien, ne permet pas de vivre. Alors être vieux ou jeune, si on est malheureux, ça n'est peut-être pas utile de vivre. Bref, être jeune, ce n'est pas facile. Être âgé, vieux, ce n'est pas simple non plus. Le mieux serait de dissimuler, de pouvoir dissimuler son âge. Il est utile pour une comédienne de savoir l'âge qu'elle paraît. Vérification, grâce à une émission de Marcel Mitois, une totale fiction, diffusée pour la première fois sur Paris Inter, le 3 octobre 1961. Interview à peine imaginaire, une émission de Marcel Mitois, réalisée par Jacques Régnier. Aujourd'hui, Marcel Mitois interview la comédienne sexagénaire, interprétée par Mademoiselle Denise Jans, sociétaire de la Comédie Française. Bonjour madame. Mademoiselle. Mademoiselle. Mon journal m'envoie pour vous demander... Eh bien oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Je suis heureuse de revenir à la scène après ces quelques mois. Quelques mois? Je croyais qu'il y avait plus de 10 ans que vous n'aviez pas joué. Mettons après ces quelques années de... Enfin de... D'éclipse. Ah non, monsieur, non, ce n'est pas une éclipse. Je crois bien être demeurée dans le cœur du public comme le public est demeuré dans mon cœur. Croyez-moi, cher monsieur, le public me voulait. Ah, j'en ai reçu des lettres touchantes. Ah non, voyez-vous, si j'ai refusé de jouer, c'est que je n'ai trouvé aucun rôle digne de moi. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que de nos jours, les auteurs dramatiques n'écrivent plus pour les femmes. Il n'y a plus de rôle de femme, monsieur. C'est fini. Ces messieurs n'aiment plus les femmes. Le théâtre en est mort. Ah, ah, c'était autre chose de mon temps. Enfin, je veux dire du temps des batailles, des Bernstein. Eux, ils écrivaient pour des lionnes. Aujourd'hui, on écrit pour des fauvettes. Je suis une lionne, moi, monsieur. Et plutôt que de jouer n'importe quoi... 10 ans, tout de même, c'est long. C'est court, monsieur, 10 ans, pour une méditation, un retour sur soi-même, qui m'ont enrichi et qui m'ont servi à étoffer encore mon talent. Vous notez au moins? Je ne fais que ça, mademoiselle. Car moi, tout ce que je donne, monsieur, ça vient de l'intérieur. Oui, ça vient de là. Mais de là, les tripes, le cœur, les tripes. Vous notez ? Les tripes, le cœur. Je note, les tripes, le cœur. Écrivez, je vous prie. Message à mon cher public. À tous mes amis fidèles qui m'ont suivi, qui m'ont soutenu, qui m'ont aimé, qui ont fait la grande Liliane Paquet que je suis devenue, je dis merci. Et je donne rendez-vous la semaine prochaine au théâtre. Cher public, j'espère ne pas te décevoir. Je serai ému. Vous écrivez ? Ému. C'est écrit. Mais si nous parlons de la pièce que vous allez jouer... Une pièce, vous savez, ça n'a jamais beaucoup d'importance. C'est ce qu'on fait d'une pièce qui compte. La pièce est à l'actrice que le cintre est à la robe qu'on y pend. Celle que je vais jouer est au départ assez banale. C'est l'histoire d'une femme. Vous jouez une mère. Une mère ? Je n'ai jamais joué les mères, monsieur. Ce n'est pas à mon âge que je vais commencer à le faire. Mais quel âge me donnez-vous donc ? Oh, je sais pas, moi. Vous êtes si jeune de cœur et d'esprit. Oui, mais enfin, quel âge croyez-vous que j'ai ? Enfin, à peu près. Dites. Ah non, vraiment, je ne sais pas. 60. J'ai un 5 ans. Et c'est sur mon passeport. Voyons, quel âge me donniez-vous ? Enfin, il est utile pour une comédienne de savoir l'âge qu'elle paraît. Si. Si vous me donniez ? Je vous donnais, je sais pas, moi, je vous donnais, je sais pas... 43, 44... Ah, il faut dire que cet éclairage est très dur et que je suis vannée. Enfin, nous avons répété toute la nuit, mais vous allez voir, debout, je fais plus jeune. Tenez, là, maintenant, combien ? 41, 42... Bon, eh bien, revenons à la pièce. Si j'ai voulu la jouer, c'est que c'est un rôle de coquette. De quoi ? De coquette. De coquette ? Ah... Ah oui, figurez-vous que j'ai eu beaucoup de mal à trouver une scène. Enfin, vous savez la crise que traverse le théâtre avec toutes ces directrices sans talent qui veulent jouer à tout prix dans les pièces qu'elles montent. Eh bien, moi, Liliane Paquet, la grande Liliane Paquet, j'ai dû vendre mes derniers bijoux pour louer une salle. Ceci entre nous, bien sûr. Bien sûr. Mais la pièce elle-même, qu'est-ce que c'est exactement ? Oh, c'est une pièce charmante, une pièce d'amour, une pièce sur Georges Sand. Et quel rôle jouez-vous ? Comment quel rôle je joue ? Enfin, Georges Sand, voyons. Ah, la bonne dame de Nohant. Oh, mais non, maintenant, avant, bien avant, au Baléares, enfin, la grande époque avec Chopin, enfin, les folles amours. On m'a dit que c'était vous qui aviez écrit la pièce. Oh, enfin, oui, non, je la signe parce que l'auteur ne veut pas la signer. Enfin, celui-là, je ne sais pas s'il est misogyne ou neurasthénique. En tout cas, il est bizarre. L'autre jour, il est venu à une répétition. Il est resté dans le noir, au fond de la salle, tout seul. Et ensuite, quand je lui ai demandé ce qu'il en pensait, il est demeuré comme hébété, pétrifié. Puis il est parti en courant. J'ai reçu le lendemain un mot de lui. Je ne signe pas ma pièce, signez-la si vous voulez. Comment expliquez-vous ça ? J'imagine qu'il l'a trouvée moins bonne qu'il ne pensait. Enfin, je la signe donc. Je ne veux pas qu'elle ait l'air d'une enfant naturelle, cette pièce. Elle n'est pas extraordinaire, bien sûr, mais je crois que ce que j'en fais est assez extraordinaire. Je donne à Georges Sand cette fougue, cette passion, cette sincérité, qu'elle l'avait peut-être pas, si vous voulez. En fait, je la réhabilite. Au fond, j'en fais autre chose. Enfin, quelque chose de mieux qu'elle n'était vraiment. Enfin, vous savez, je ne dis pas ça pour me faire des compliments. Je suis au-delà des compliments. Mais je crois que je l'idéalise. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, la figure de Chopin est moins sympathique, moins intéressante, bien sûr. Aussi, j'ai préféré réduire le rôle. Oh, surtout, n'allez pas vous imaginer que c'est pour avoir seule la vedette. Ce serait bien mal me connaître. Il n'y a pas de meilleur camarade que moi. Non. Si j'ai coupé dans Chopin, c'est par respect pour l'histoire. Il est mort jeune, ce fut un météore, il ne faut pas s'apesantir sur un météore. Et puis je vais vous dire, oh mais je vous en supplie, hein, que ceci reste entre nous, c'est Michael Beuret qui joue le rôle. Vous voyez, hein ? Non, mais vous voyez, c'est un comédien charmant, mais enfin, il manque ça. Enfin, ça, les tripes, quoi. Dites quand même un mot de lui, c'est un gentil garçon. Ah, mais c'est un jeune premier très coté au cinéma. Ouais, bon, on dit ça, il paraît. Mais qu'est-ce que c'est que le cinéma? La lanterne magique, c'est une question de photographie, d'éclairage. On n'a pas besoin d'avoir de talent au cinéma. C'est le monsieur qui vous photographie, qui a du talent, qui n'en a pas. Et généralement, il n'en a pas. Vous n'avez jamais fait de cinéma? Moi, monsieur? Faire de la lanterne magique? Ah non, monsieur, non. Moi, je fais du théâtre. Je joue, moi. Je rugis, je sanglote, j'aime, je meurs. Je ne pose pas pour les photographes. Je suis une comédienne. Et pour faire les silhouettes qu'ils me proposent, ils n'ont pas besoin d'une comédienne. Ils n'ont pas besoin d'une lionne. Qu'ils prennent les fauvettes. Est-ce que je peux faire entrer mon photographe? Il serait peut-être bon que notre journal ait une photo de vous pour se rendre compte. Il va bien falloir se rendre compte. Un photographe, me voyons, bien sûr qu'il entre. Tu viens? Bonjour, madame. Bonjour, mon jeune ami. Je peux allumer toutes les lampes? Ah, pas trop, pas trop. Vos appareils sont si méchants, si cruels. Ben, mon vieux, si je la fais au flash, elle va être terrible. Un peu de biais, peut-être, ou à contre-jour. Oh là là là là! Là! Là, bougez pas! Oh, mais la une! Mais on m'avait pas prévenu, c'est du viol, de l'assassinat! Attendez que je m'arrange un peu! Là, voilà, ça sera mieux. Je me mets debout? Oh, vous savez, coucher, assise ou debout, pour la figure, c'est du pareil ou même. Si vous préférez, allons-y debout. Là-bas, contre la fenêtre. Oui, là-bas. Non, tout à fait là-bas. Regardez par la fenêtre. Mais non, tournez-vous. Mais alors, vous ne voyez que mon dos. C'est parfait. On verra votre visage dans la vitre. Mais il y a un rideau. Touchez pas au rideau. Vous y êtes? Là, bravo, c'est dans la boîte. Salut bien, madame. Mademoiselle. Chère mademoiselle, il me reste à vous remercier de votre aimable accueil. J'espère que vous viendrez à ma générale vendredi. Voulez-vous les places? C'est-à-dire que vendredi, malheureusement, je dois aller voir ma sœur qui est malade. Samedi, alors? Samedi aussi. Je crois qu'elle est très malade. Malade pour plusieurs jours, malheureusement. Eh ben, quand vous voudrez des places, vous n'aurez qu'à téléphoner à mon secrétaire. Adieu, mon jeune ami. Ah non, à bientôt. Soyez gentil, hein. Je compte sur vous. Soyez gentil. Car à vous, je vous lirai, vous savez. C'est si passionnant, le métier que vous faites. Si grand, si beau, si généreux, si... Adieu, mademoiselle. C'était Interview à peine imaginaire, une émission de Marcel Mitois, réalisée par Jacques Régnier. Aujourd'hui, Marcel Mitois interviewait la comédienne sexagénaire, interprétée par Mademoiselle Denise Jeans, sociétaire de la Comédie Française, et le photographe par Jacques Cousin. Première diffusion sur Paris Inter, le 3 octobre 1961. Revenons à la jeunesse. En 1961, la jeunesse aspire à se mettre en ménage. C'est dans l'émission Heures de culture française, sous-titrée Sciences et techniques, sous-titrée L'entrée dans la vie conjugale, que l'on se penche sur le problème. Voici le programme de notre émission Sciences et techniques. Parmi les sciences, par M. Paul Ostoya. La photochimie, par M. Maurice Dreyfus. Météorite et tectite, par M. Gaston Cohen. Congrès de l'Association française pour l'avancement des sciences, par le professeur Jean Verne, de l'Académie de médecine. Enfin, sous l'égide de l'École des parents et des éducateurs, nous vous présentons la deuxième causerie du Dr Clément Launay sur la formation du couple conjugal. Quels sont les obstacles matériels qui rendent difficile la formation du couple? Tel sera le problème étudié par le docteur Launay. Nous l'avons dit à la fin de notre dernier exposé, ce qui principalement va permettre au jeune couple de se former, ce sont les buts communs qu'il va tout de suite avoir à poursuivre. Tout d'abord, les buts matériels les plus immédiats, le logement, le mobilier, le budget, buts communs, mais aussi épreuves communes. Les obstacles vont se rencontrer qu'il faudra franchir. À dire vrai, le jeune ménage se contente tout d'abord assez bien d'un budget restreint, d'un mobilier encore insuffisant, d'une chambre trop étroite. C'est plus tard, quand de plus grandes exigences naturellement s'imposeront, et surtout quand il naîtra des enfants, que cela deviendra de plus en plus insupportable. Encore ne faut-il pas longtemps pour qu'une chambre unique sans lavabo ou... Si l'on veut conserver ses vêtements, tout doit être toujours rangé dans un ordre immuable, ne devienne source de conflit. Tout cela est plus vrai encore quand il s'agit d'une chambre d'hôtel meublée, où tout s'entend d'une chambre à l'autre et où l'on n'est jamais sûr du mois suivant. Autant de circonstances qui mettent à l'épreuve la compréhension mutuelle et le désir d'entraide des jeunes époux. Le risque le plus sérieux est cependant la cohabitation chez les parents de l'un des deux conjoints, surtout si le logement de ceux-ci est lui-même réduit. C'est actuellement encore une éventualité très commune. Une petite enquête faite en 1957 dans le 19e arrondissement de Paris montrait qu'il en était ainsi à cette époque, au début du mariage, pour 80% des jeunes ménages. Cette proportion est moindre dans les milieux plus aisés. Elle est sans doute en diminution, si l'on en juge par l'effort considérable qui est fait depuis 3 ou 4 ans pour la reconstruction. Cela reste néanmoins encore très fréquent, et chacun sait qu'il n'est pas possible de faire autrement. Certes, il y a des cas très divers, des séparations assez nettes peuvent parfois être établies pour que le jeune ménage puisse avoir une certaine autonomie. Il est difficile cependant d'éviter que certaines pièces ne soient des pièces communes. Ce qui constitue le danger en ce cas, c'est bien entendu le risque des conflits humains. Si le jeune ménage habite chez les parents de la femme, le jeune mari aura presque inévitablement le sentiment qu'il n'est pas le maître, que sa femme reste la fille de la maison. Il sera irritable, mécontent des autres et de lui-même, injustement agressif. Il dira et redira à sa femme en secret ses griefs réels ou imaginaires. Elle-même aura une position difficile d'intermédiaire qui cherche constamment à arranger les choses entre ses parents et son mari. Si le couple est hébergé chez les parents du mari, le conflit risque de se produire entre la mère de celui-ci et sa bru. La période parfois difficile du départ du fils du toit familial devient pour la mère une épreuve qu'elle peut ne pas dominer. Sa bru peut de son côté accepter fort mal la présence de sa belle-mère chaque jour auprès de son mari. Nous retrouverons plus loin ces situations conflictuelles. La cohabitation au même foyer des deux générations est incontestablement un facteur majeur d'aggravation de semblables conflits. Il est souvent bien difficile pour un jeune couple conjugal de se former harmonieusement dans ces conditions. Il nous faut maintenant aborder la question de la perspective du premier enfant. S'il est un sujet sur lequel il faut que les deux épouses s'accordent, c'est bien celui-là. En fait, il est bien rare que cette pensée préoccupe encore le jeune mari. Il voit même souvent dans cette éventualité la menace de difficultés à venir. La femme, elle, y pense toujours, mais de façon ambivalente. Son sens maternel ne peut pas ne pas lui faire prévoir avec tendresse l'image de son futur enfant, mais elle est en général trop absorbée encore par les problèmes nouveaux qui se posent à elle pour pouvoir l'accepter pleinement. Parfois, il est vrai, se décèle très tôt en elle cette double aspiration féminine, être femme, être mère. Et dès les premiers mois du mariage, s'ébauche ce dialogue femme-mère que Balzac a dépeint avec tant de perspicacité dans les mémoires de deux jeunes mariés, où chacune représente à l'excès l'une la vocation d'amante, l'autre la vocation de mère. La jeune femme d'aujourd'hui a sur les femmes de 1830 l'incontestable avantage de pouvoir être, dans le train normal de la vie, ces deux femmes à la fois. Il faut bien que le jeune mari accepte alors de comprendre le sentiment complexe de sa femme. C'est une des démarches que les deux jeunes époux doivent faire l'un vers l'autre. La perspective du premier enfant, en ce cas, ne pose pas de problème. Les deux époux sentent que c'est là l'accomplissement naturel et souhaitable de leur union, et il est bien vrai que la plupart des couples ne se scelleront qu'à ce moment. Mais il arrive aussi, bien souvent, que les difficultés surgissent. Mettant à part les contre-indications d'ordre médical qui sont exceptionnelles et les cas relativement rares où un mari trop âgé ou trop exclusif convainc sa femme qu'il vaut mieux ne pas avoir d'enfant, nous avons en vue ici les obstacles habituels qui se présentent devant un jeune couple récemment uni. C'est le départ du mari pour le service militaire et le risque comporte par exemple un départ éventuel pour l'Algérie. C'est l'étroitesse du logement qui est à peine suffisant pour les deux jeunes époux, outre pas salubre pour les soins d'un bébé, la chambre d'hôtel meublée où l'on ne veut pas d'enfant. Ce peut être un problème de budget, on veut attendre des gains plus élevés. Les exigences à ce sujet sont très diverses et les allocations familiales jouent malgré tout un rôle favorable. Mais certains estiment qu'il faut d'abord avoir l'automobile, la machine à laver, etc., avant d'avoir l'enfant. Ailleurs, ce sont des arguments purement psychologiques. Les jeunes époux préfèrent attendre quelque temps parce qu'ils sentent leur union encore imparfaite ou qu'ils veulent d'abord vivre leur vie de couple sans enfant. Ils pensent en général que c'est pour un temps limité et que l'enfant qui naîtra plus tard sera mieux accueilli. Bref, on voit là les attitudes les plus diverses qui vont du renoncement nécessaire, aussi bref que possible, à une décision raisonnée et calculée, fondée surtout sur les éléments matériels. Chacun sans doute peut avoir sur ce point l'attitude qui lui convient, mais en ce qui concerne cette première naissance, il faut bien dire que l'extrême prudence, la recherche minutieuse, une garantie contre tous les risques s'accordent mal. L'idée même d'une naissance, c'est-à-dire d'un risque inévitable, le risque inhérent à tous les problèmes humains. Quoi qu'il en soit, chercher à différer une naissance, c'est pour le couple l'obligation de prendre une certaine décision au sujet des relations sexuelles. C'est déjà introduire une non-spontanéité dans ce domaine. L'école des parents n'a pas à prendre parti à cet égard, que l'on décide de respecter complètement l'acte sexuel, mais en le limitant à certaines périodes fixées par le calendrier, ou mieux peut-être par la connaissance de la température féminine, ou que l'on décide de le neutraliser par tel ou tel procédé. Ce qui nous retiendra ici, dans ce propos sur le couple conjugal, c'est l'absolue nécessité d'un accord complet et sincère des deux époux. Il faut que la décision soit prise ensemble et l'adhésion des deux conjoints totale. Le couple conjugal ne peut naître autrement. Les malentendus, les décisions unilatérales risquent de rebondir plus tard en conflit durable. Une telle affirmation, si elle se formule aisément, recouvre évidemment des situations diverses et complexes. Tout d'abord, un débat sincère entre jeunes et époux ne peut s'engager que s'ils ont tous deux la maturité qui convient et tous deux le sens de leur responsabilité commune. Le prochain exposé aura précisément pour objet de montrer combien sont fréquents les cas où il n'en est pas ainsi. Il faut surtout dire que le mari et la femme ne ressentent pas les problèmes sexuels de la même manière. Nous ne pouvons dire ici que les grandes lignes. Un effort de compréhension et de rapprochement mutuel est évidemment nécessaire entre un jeune mari qui ne voit dans les échanges sexuels que l'acte lui-même et sa jeune femme qui attend de lui bien davantage sur le plan affectif. Un certain contrôle de lui-même, de toute façon, s'impose pour l'homme qui doit tenir compte du rythme organique de sa femme, et si une décision mutuelle est prise par le couple pour différer la première naissance, il faut que les contraintes temporaires que le mari peut devoir s'imposer ne soit pas ressenti par lui comme d'insupportables privations. Bref, l'union conjugale se fera d'autant mieux et plus profondément qu'elle existera sur tous les plans. Le prochain exposé nous amènera à examiner les obstacles d'ordre affectif qui peuvent compromettre sa bonne évolution. Cette causerie du docteur Clément Launay sera publiée dans la prochaine revue mensuelle éditée par l'École des parents, 4 rue Brunel, Paris 17e. Ainsi s'achève notre émission Sciences et techniques. Maintenant que tu vis à l'autre bout de Paris, quand tu veux changer d'âge, tu t'offres un long voyage, tu viens me dire bonjour. Au coin de la rue du Four, tu viens me visiter à Saint-Germain-des-Prés. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après-demain, plus d'après-midi, il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autre foi. Tu me dis comme tout change, les rues te semblent étranges, même les cafés crèmes n'ont plus le goût que tu aimes. C'est que tu es une autre, c'est que je suis un autre. nous sommes étrangers. À Saint-Germain-des-Prés, il n'y a plus d'après. À Saint-Germain-des-Prés, plus d'après-demain, plus d'après-midi. Il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai. À Saint-Germain-des-Prés, ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi. Il n'y a plus d'autrefois. On l'a dit, en cette année 1961, on se préoccupe des jeunes gens et des personnes âgées, des problèmes de logement et d'entrée dans la vie conjugale, celle des jeunes gens, des blousons noirs et de l'insécurité en ville. Et l'on parle aussi du travail. Pas d'inquiétude, cela dit. Le niveau du chômage est extrêmement réduit actuellement, nous dit-on. S'il faut, malgré tout, créer des emplois, eh bien, des emplois seront créés, c'est tout simple. Tout au plus, peut-on se demander dans quelle région de France ? Réponse, le 14 octobre 1961. 1 200 000, c'est le nombre d'emplois qu'il faudra trouver en France d'ici 10 ans, soit 120 000 par an. Lorsqu'on sait qu'actuellement la création d'un emploi suppose un investissement pouvant varier de 2 à 7 millions d'anciens francs en moyenne, selon les branches de l'économie nationale, ce sont évidemment de 240 à 840 milliards d'anciens francs par an qu'il faudra prélever sur le revenu national pour donner du travail à tous les Français qui vont en avoir besoin. Mais qui sont ces Français et d'où viennent-ils ? Ce sont d'abord et surtout les jeunes, nés depuis 1944, qui vont commencer à faire irruption à partir de l'an prochain sur le marché du travail et qui vont exiger 70 000 emplois supplémentaires par an. Sur les 50 000 emplois restants par an et qu'il faut créer en outre, plus de 30 000 seront indispensables à la population active agricole, changeant d'activité et souvent de résidence en même temps. L'agriculture, on le sait, doit perdre des bras au profit des industries et de ce qu'on appelle les services, c'est-à-dire les administrations, la distribution, les spectacles, l'information, etc. Enfin, les 20 000 emplois restants devront être partagés entre les jeunes militaires libérés et les rapatriés d'outre-mer. Le très petit nombre subsistant ira aux chômeurs, aptes au travail et non encore employés, s'il est possible, compte tenu du niveau extrêmement réduit du chômage actuellement. La majorité des sans-travail étant en effet, pour l'instant, soit inaptes, soit en instance de changement. Cela dit, d'où tirera-t-on les nouveaux emplois ? Eh bien, d'une part, 500 000 seront dégagés par les départs en retraite. Toutefois, l'évolution démographique et les besoins de l'économie sont tels que toute la législation à cet égard doit être et sera reconsidérée. Les retraités pourront en bénéficier du fait que la valeur de leur point de retraite augmentera maintenant en fonction du nombre accru des cotisants, c'est-à-dire des jeunes accédant à l'emploi. Il faudra donc créer 70 000 emplois nouveaux chaque année, mais où ? Principalement en Normandie, dans le Nord, l'Est, le Nord-Est et le Centre, où les besoins se feront de plus en plus sentir du fait d'une population abondamment renouvelée par la natalité. Accessoirement, dans le Sud-Ouest et le Sud-Est. Cela suppose évidemment un effort développé d'industrialisation dans ces régions, afin d'éviter les déplacements massifs de population, toujours difficiles chez nous et douloureux, et surtout dangereux pour l'équilibre même du pays. Donc, en France, en 1961, on trouve facilement du travail. Du moins, on ne s'inquiète guère pour créer des emplois à la demande. On a pu entendre que les jeunes couples, tout de même avec quelques difficultés pour se loger et pour réussir leur entrée dans la vie conjugale. Le personnage de la belle-mère envahissante semble bien présent. Un travail, un logement, que manque-t-il ? Une voiture, une auto, neuve ou d'occasion ? Quelle est l'importance du salon de la voiture d'occasion par rapport au neuf ? Écoutez, on a calculé que pour vendre une voiture neuve, il fallait qu'il y ait 2,5 voitures d'occasion de vendues. En effet, chaque acheteur de voiture neuve a à l'heure actuelle presque toujours sa voiture, elle est revendue. Et le vendeur suivant, au bout de 2 ans, a encore une voiture à vendre. Ça fait donc à peu près la proportion que je vous ai donnée. Est-ce que vous constatez une progression des ventes chaque année ? En général, nous constatons une progression des ventes correspondant au marché du neuf, n'est-ce pas ? Et cette année, nous avons eu même plus de monde, plus de demandes que les années précédentes, puisque 15 jours avant l'exposition, tout était complet. Et je vais vous demander, monsieur, à vous qui êtes exposant, quelles sont les tendances du client ? Est-ce qu'il préfère la grosse voiture qui se dévalorise plus vite dans l'occasion, donc qui est moins chère, mais qui dépense beaucoup d'essence, ou la petite voiture ? La petite voiture économique. Il est évident qu'il y a davantage de clients pour les voitures économiques que pour les grosses voitures, mais il y a tout de même beaucoup de clients pour les deux. Qu'est-ce que vous constatez en ce qui concerne les grosses voitures? Est-ce qu'il y a de véritables occasions? Est-ce que c'est le bon solde que toute femme recherche et que tout ménage recherche? Oh, un solde, c'est pas précisément le mot, mais la différence entre le prix du neuf et le prix de l'occasion est très importante, surtout pour les véhicules ayant très peu roulé. Un exemple de voiture américaine, vous avez une différence de 25% par exemple, de diminution par rapport au prix du neuf. Pour une voiture de la même année? Pour une voiture de cette année, avec un kilométrage inférieur à 10 000 km. Oui. Et pour les petites voitures, quelle sorte de clients avez-vous? Ah, bah, pour les petites voitures, évidemment, il y a davantage de preneurs, parce qu'il y a davantage de petites bourses que de bourses importantes, ça c'est normal. On cherche du vieux, on cherche du neuf? Oh, du vieux, pas tellement. Non. Sur le vieux, il y a trop de frais éventuels à faire pour remettre en état. On cherche des voitures de 2 ou 3 ans, ou des voitures de l'année dernière. Vous ne vendez pas de traction? Si, pourquoi pas. J'en ai vendu une ici, 70 000 francs, une voiture de 8 ans. À la campagne, sans doute? Oui, à la campagne, oui, c'est exact. Les Parisiens sont plus coquets? C'est pas qu'ils soient plus coquets, mais ils préfèrent quelque chose de plus moderne. Bon, ben, on va aller les voir, merci. Bien. Bien, nous arrêtons maintenant un jeune couple, et je voudrais savoir, monsieur, vers quelle voiture vous dirigeriez-vous si vous en achetiez une tout à l'heure? Vers une grosse ou une petite? Ben, une voiture de moyenne importance. Je considère une 404, la 404 Peugeot une voiture de moyenne importance. Jusque maintenant, j'ai eu 2 A1 et ça me ferait plaisir d'avoir une 404. Je préfère une voiture de cette importance pour faire de la route parce que je fais énormément de route qu'une petite voiture, qu'une petite cylindrée. Moi, je suis absolument persuadé qu'on est plus en sécurité. Il y a déjà plus de reprises. On peut faire déjà plus de route et plus confortablement que dans une voiture, d'une petite voiture comme la 2 chevaux. Et voilà un autre jeune ménage. Monsieur, si vous étiez acheteur, car je vois que vous regardez, mais que vous n'avez pas encore le portefeuille dans la main, vers quelle sorte de voiture vous dirigeriez-vous? Moi, je me dirigerais sur la petite voiture. À cause de leur peu d'encombrement, à cause de leur économie, à cause du prix? Économie, prix aussi, oui. C'est plus discret. Je pense que vous êtes tous les deux très jeunes et qu'une petite voiture, ce serait une bonne entrée dans la vie. Oui, oui. On commence par le début. Et l'Algérie. Au lendemain de la manifestation du 17 octobre, voici ce que l'on en dit sur Paris Inter. Nous sommes le matin, il est 7h15 précisément. Nous sommes certes dans l'actualité, nous ne sommes pas dans l'enquête approfondie, loin de là. Question de recul, sans doute. Étonnés puis inquiets, les musulmans étaient dans les rues de la capitale. Ils y étaient en foule, 20 à 25 000, semble-t-il, regroupés dans différents secteurs, suivant les mots d'ordre du FLN, pour manifester leur opposition aux mesures prises récemment par les autorités à leur encontre. Vous savez ce que sont ces mesures? Elles se traduisent pratiquement par l'impossibilité de circuler le soir. En tout cas, les cafés tenus par des musulmans doivent être fermés à 19h30. Inconvénient pour le plus grand nombre, certes. Mécontentement aussi. Ce mécontentement dont un député musulman, M. Djebbour, du groupe Unité de la République, veut se faire l'écho dès cet après-midi à l'Assemblée en demandant à ses collègues musulmans de ne plus assister aux séances de nuit. Notons au passage que des ordres ont été donnés pour que les députés musulmans ne soient pas gênés précisément par les mesures en question. Mais là n'est pas notre propos. Hier donc, quelques premières manifestations en fin de matinée et dans l'après-midi ont lieu sur les grandes artères de Paris. Dans la soirée, un nœud important se forme vers le rond-point de la Défense, d'autres dans divers secteurs. Crise hostile, slogan FLN, voiture malmenée, retournée. Très vite, les heurts deviennent inévitables. Des coups de feu claquent chez les manifestants. Les forces de l'ordre ripostent. C'est le scénario dramatique. Bilan, 2 tués et aussi un Européen, un Français originaire du Finistère et demeurant à Rouen, qui était, on ne sait pourquoi, à Paris. Il est mort à l'hôpital Cochin. 64 blessés hospitalisés parmi les musulmans. 12 de représentants du service d'ordre, dont 2 brigadiers et 1 officier de police blessés également. Soulignons toutefois que personne dans le service d'ordre n'a été blessé par balle. Plus de 11 000 musulmans appréhendés et conduits au palais des sports ou au stade de Coubertin. Le préfet de police devait faire savoir cette nuit qu'une grande partie d'entre eux serait refoulée dès cette semaine sur l'Algérie. Voilà où on en était au lever du jour. Voilà pourquoi dans les bureaux, dans les usines, on s'interrogeait mutuellement ce matin. Alors, comment ça s'est passé dans votre quartier? Et aussi, qu'est-ce qu'ils veulent faire, à votre avis? Et encore, est-ce que ça va devenir ici comme de l'autre côté? L'autre côté de la Méditerranée, naturellement. Et ces questions n'ont rien de surprenant. Il est seulement regrettable qu'on en arrive à les poser. Les musulmans sont très nombreux chez nous, et spécialement dans la Seine. Au fait, nous pouvons peut-être préciser ce point. Il y a en France environ 320 000 travailleurs musulmans, auxquels s'ajoutent quelques 100 000 femmes et enfants. Mais la région parisienne à elle seule compte plus de 140 000 travailleurs musulmans. Or, même si 20 ou 25 000 d'entre eux ont répondu au mot d'ordre, la proportion, vous le voyez, est mince. Cela mérite d'être noté. Cela signifie que si tout à l'heure vous croisez un musulman sur votre chemin, ça ne sera pas forcément un suspect, un FLN, un ex ou un futur manifestant, bref, quelqu'un qui vous est hostile. Rien ne serait plus néfaste, rien ne servirait davantage sans doute les extrémistes des deux bords que de laisser s'implanter cette idée dans la population. Car il est évident que des meneurs FLN ont transformé hier soir en violence ce qui, à l'origine, ne devait être qu'une manifestation silencieuse et pacifique. J'ouvre ici une petite parenthèse pour vous signaler que, selon certaines informations parvenues au ministère de l'Intérieur, et dont se fait l'écho l'agence centrale de presse, de nouvelles manifestations de musulmans algériens seraient à craindre pour ce soir. Elles seraient cette fois le fait de petits commandos de choc, dit-on, mais des mesures doivent être prises pour éviter le retour des désordres d'hier soir. En tout cas, l'affaire d'hier soir a fait grand bruit ici. Je suppose qu'il en a fait aussi à Alger, interrompant par conséquent Alger. Pour connaître les réactions d'Alger aux nouvelles de la métropole, il suffit de s'installer au comptoir d'un bar à l'heure du café crème. Les gens ouvrent leur journal, ils commentent entre eux quelques minutes avant de prendre le chemin du bureau les titres et l'article qu'ils ont juste eu le temps de lire et qui leur a paru le plus intéressant. Ce matin, tous les journaux étaient ouverts à la même page. L'intérêt se portait incontestablement sur Paris. Oran même était oublié. Première réaction, on l'avait dit. On vous avait prévenu. Deuxième réaction, s'ils font ça à Paris, qu'est-ce que ça va donner ici le 1er novembre? Le 1er novembre, vous le savez, le FLN a décidé d'organiser en Algérie des manifestations à l'occasion de l'anniversaire de la rébellion. À mon point de vue, ces manifestations de Paris présentent, dans le climat de nervosité intense où nous vivons ici, un risque certain. Les moins réfléchis des Européens, qui sont loin d'être la majorité, mais où se recrute la graine de violence au moment des incidents de rue, peuvent trouver un nouveau prétexte, une espèce de justification à leurs excès. Côté musulman, deux réactions. Les uns ont été fortement impressionnés par l'annonce du rapatriement dans leur région d'origine d'un grand nombre de manifestants. Ils savent qu'ici, pour ces manifestants, pour leurs familles qui vivent souvent grâce au salaire qu'ils touchent en métropole, c'est la menace de chômage. Les autres m'ont dit réprouver les incidents d'hier. C'est une erreur, cela risque de dresser les Français de métropole contre nous et de se retourner contre nos intérêts. Ici Alger, à vous Paris. Extrait d'Interactualité, le 18 octobre 1961, au lendemain donc de la manifestation du 17 octobre. C'était les années 60, aujourd'hui 1961, quatrième émission, Archivina Hervé Evano, réalisation Virginie Mourté, une émission de Philippe Garbi, à suivre.